Non, mais il faut que j'attende que vous commenciez. Je peux pas chanter comme ça, là. Go. Start to play.